Chapitre 3e. Des visiteurs importants. Corentin travaillait déjà depuis une heure quand un homme pénétra dans son atelier, alors qu'Armande était allée chez elle mettre une marmite sur le feu. « Oh, Larieux, qu'est-ce qui t'amène ? Tu ne travailles toujours pas ? » dit-il au visiteur. « Eh non, mon bon, enfin, je fais des petites choses par-ci, par-là, mais on ne peut pas dire que ce soit de la vraie besogne. Tu as de quoi manger au moins ? Oui, t'inquiète. » L'homme s'appuya contre l'ours tréteau et croisa ses bras sur la poitrine comme quelqu'un qui va parler sérieusement. « Dis-moi, j'étais assis sur les marches à l'entrée de ma maison tout à l'heure, et j'ai clairement entendu des voix qui sortaient du soupirail, comme s'il y avait du monde dans ta cave. »« Du monde ?» s'étonna Corentin. « Voilà que les chaises parlent maintenant. Tu t'es encore aviné hier, Larieux. Je n'ai bu que de l'eau. Je suis sérieux, Gassin. Je te dis que j'ai entendu des voix d'au moins deux personnes, dont une femme. » « Écoute, l'ami, tu vois, je suis dans une phase délicate de mon travail. Si je lâche, je vais me gâter la main. J'irai voir tout à l'heure. Pour l'instant, oublie-moi. » Octave Larieux haussa les épaules de dépit et sortit de l'atelier. Resté seul, Corentin repensa à ce que venait de lui dire son voisin. La cave en question était un local qu'il louait au propriétaire de la maison du coin de la rue du Griffon. Sa propre cave, sous la maison, était un dédale de cellules sans aération, où l'on ne pouvait mettre un pied sans patauger dans une gadoue gluante et pestilentielle. L'humidité était telle qu'on aurait cru qu'une rivière y coulait. En revanche, situé à une trentaine de mètres seulement de son atelier, le local de la maison du coin était aéré, sec, idéal pour y stocker les bois et les pièces déjà fabriquées en attente de capiton. Le propriétaire habitait l'étage et Larieux occupait deux pièces en rez-de-chaussée avec son épouse. Précautionneux, le propriétaire exigeait toujours que la porte d'entrée fût fermée à clé, ainsi que celle qui menait à la cave. Comment des personnes auraient-elles pu y pénétrer, à moins qu'il y eût des réparations en cours ? Larieux avait parlé d'une femme. Or, il n'y a guère de femmes travaillant dans le bâtiment, et le propriétaire n'aurait jamais rien entrepris dans la cave sans lui en parler. Il laissa la traverse qu'il était en train de sculpter, maintenue par un balai de fer sur l'établi, décrocha les clés de la cave, se munit d'une lanterne, et décida d'aller voir cela de près. Larieux, assis sur les marches de la porte d'entrée, se leva et entra avec lui dans la maison. « Tu m'excuses, mais je vais te laisser y aller tout seul. S'il y a un mauvais coup à prendre, je rentre chez moi. Tout de même, si tu cries, je viendrai te porter secours. » Là-dessus, il pénétra dans son logement et en referma la porte. Octave Larieux était un personnage bizarre, à l'humeur changeante. De lui, on pouvait s'attendre à tout. Au bruit que fit la clé dans la serrure, la famille Morel se réfugia précipitamment dans le coin le plus obscur de la cave, derrière un empilement de chaises. Depuis la nuit dernière, ils avaient peu dormi et vécu dans l'angoisse, n'ayant fait qu'une confiance limitée à l'homme qui les avait amenés là. Depuis le haut de l'escalier, Corentin tendit sa lanterne à bout de bras, mais ne vit rien de particulier. Néanmoins, il perçut une odeur inhabituelle. D'ordinaire, la cave sentait le bois et la pierre, alors qu'il y planait une vague odeur de soupe. Ce détail incita Corentin à pousser plus loin ses investigations. Il remarqua la paille étendue sur le sol et comprit immédiatement à quoi elle avait servi. Larieux ne lui avait donc pas menti. Des gens étaient bien passés dans la cave. Soudain, il prit conscience du fait que ces gens étaient peut-être encore là. Aussitôt, il se munit d'un fort tasseau de chêne et investigua les lieux avec minutie, s'attendant à tout. Il finit par découvrir la famille Morel, tassés les uns contre les autres, apeurés comme des bêtes traquées. Il comprit bien vite qu'il n'avait rien à craindre d'eux et s'approcha, confiant. D'après leur habillement, il sut qu'il n'avait pas affaire à des ouvriers ou des artisans. Bien peu d'Aixois osaient encore porter la culotte et des corsets. « Que faites-vous dans ma cave, braves gens ? Je vois que vous y avez dormi, mangé et... » Il tourdit son nez en montrant le seau pour signifier qu'il supposait son contenu. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ? « Et comment avez-vous pu y pénétrer ?» De Roncajoles, de son ton feutré, répondit à ses questions et avoua sans embâge les raisons pour lesquelles il se cachait. Tout ceci ne fut guère du goût de Corentin. « Vous ne pouvez pas rester ici, il en va de votre vie, mais surtout de la mienne. » Ce disant, il réfléchissait qu'il n'avait pas le cœur à les jeter dehors en plein midi. Ils avaient l'air aussi dégourdis qu'une portée de chiots. Incapable de trouver une solution dans l'immédiat, il décida de prendre l'avis d'Anisset et de leur compagne. Nous avons bien un petit mât dans le Luberon, mais il faudrait que nous arrivions à sortir de la ville, déclara la mère Morel. C'est ce que nous avait promis l'homme qui nous a amenés ici. Oui, mais cet homme, objecta Corentin, vous a parqué dans une cave qui m'appartient. Et non seulement je n'étais pas au courant, mais en plus, je ne suis absolument pas d'accord avec cette embrouille. Aussi, je vais essayer de vous faire sortir de cette cave, mais ne comptez pas sur moi pour sortir de la ville. Il faudra vous débrouiller avec quelqu'un d'autre que moi. Mais cet homme va revenir, gémit Morel. Il ne peut en être autrement. Vous l'avez déjà payé, demanda Corentin. Oui, quand il nous a mis dans la cave, c'était ce qui était convenu. Alors il ne reviendra pas, surtout si vous ne lui avez rien fait miroiter d'autre. La femme bouscule le notaire sans ménagement. Tu vois, Bédigas, je te l'avais dit. Si je ne m'occupe pas des affaires, tu n'es bon à rien. T'es, nous sommes beaux maintenant. Vous allez rester là sans faire de bruit, que diable. Quelqu'un vous a entendu, vous n'êtes pas très malin. Les quatre Morel se regardèrent sans comprendre. Ils n'avaient pas échangé une parole depuis le lever du soleil. De toute façon, ils étaient bien obligés de faire confiance à Corentin, maintenant que l'homme qui les avait amenés les avait laissés tomber. Corentin les renferma à clé et revint à son atelier. C'était l'heure du déjeuner que les quatre amis prenaient soit dans l'atelier de Corentin, soit dans celui d'Anicet, de manière frugale. Chacun avait un bol de bouillon dans lequel nageaient des légumes et l'on se contentait d'y émietter une tranche de pain. Au bout d'un moment, Anicet et les deux femmes remarquèrent l'air préoccupé et abattu de Corentin qui ne mangeait presque pas. « J'ai un problème, » avoua-t-il finalement. Armande se déplaça et vint s'asseoir à côté de lui. « Tu ne m'as rien dit. Pourtant ce matin, tu avais l'air content. Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, visiblement touchée par l'air sombre de Corentin. « C'est quand tu es parti mettre la soupe au feu, » répondit-il à Armande. « Larieux est venu me voir. »« Ah ?» firent les autres d'un air entendu, habitués à ce que ce voisin leur causât du souci. « Que t'a-t-il fait ce coup-ci ? » demanda Anicet. Corentin les mit au courant de la découverte qu'il avait faite dans la cave suite à la mise en garde de Larieux. En ces temps troublés où les esprits étaient prompts à s'échauffer, le danger que courait Corentin était énorme. Il risquait d'y perdre la vie car les condamnations tombaient sans faillir et les juges y trouvaient un plaisir jouissif. « J'espère que tu les as enfermés ?» demanda Anicet. Pour toute réponse, Corentin se contenta de hausser les épaules, tant c'était évident. « Écoutez, » finit par dire Manon, « ne nous laissons pas désarçonner. Prenons l'après-midi pour réfléchir, et ce soir nous verrons ce qu'il y a lieu de faire. Attendons la nuit. » La remarque paraissait sage, on empila les écuelles, et chacun retourna à son ouvrage.